بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن في الباب الحادي عشر من المورد العذب الزلال، وهو في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها. فإن الله عز وجل سلو 49e cours dans la traduction de la source délicieuse et abondante de Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala. Et nous sommes au chapitre 11, qui est dans le titre est éclaircissement sur le fait qu'il est obligatoire de prendre le chemin du prophète alayhi salatu wasalam dans dawa et dans toute autre chose concernant la religion. Cheikh rahimahullah ta'ala بدأ كتابه بتأصيلات منهجية مهمة، فكان الباب الأول في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس والغاية التي يسعون إليها. دونك الشيخ رحمه الله تعالى سكيتو مونتر لا كلارتي avec laquelle الله سبحانه وتعالى comble les hommes de science. Il a commencé son livre dans la critique des groupes et des croyances, notamment Jamaat Tabligh et les frères musulmans. Il a commencé ce livre par des fondements et des règles. Le premier chapitre, il l'a consacré à la sagesse pour laquelle les génies et les humains ont été créés. كذلك جعل الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجب الله الخلق من أجلها. Et le deuxième chapitre, il l'a consacré au fait de nous éclairer sur l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses créatures. والباب الثالث جعله بين فيه رحمه الله أن الرسل هم الأدلاء على الله عز وجل وعلى صراطه المستقيم، وبين فيه أن العقول قاصرة عن إدراك مصالحها. كنت troisième chapitre, il nous a montré, hafidhahullah ta'ala, que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ce sont eux les guides vers Allah Azza wa Jal et vers la voie droite d'Allah Azza wa Jal. Et comme quoi les raisons humaines sont incapables de capter et de s'orienter vers leur bien sans les prophètes, alayhimus salatu wassalam. كذلك في الباب الرابع رحمة الله عليه بينا ما يضمن الإنسان النجاة. Et au quatrième chapitre, il nous a montré ce qui fait garantir à l'être humain le fait d'être sauvé. وفي الباب الخامس بين لنا رحمه الله تعالى منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في الدعوة إلى الله، وأن دعوتهم مبنية على ثلاثة أسس: التوحيد والأدلة عليه من القرآن والسنة، والأساس الثاني تقرير المعاد والأدلة على ذلك، والأساس الثالث تقرير الرسالات والأدلة على ذلك. كنت سانكيام شابيتر الشيخ رحمه الله تعالى il nous a montré la voie du messager alayhi salatu wassalam, donc da'wa ila Allah, et que la da'wa du messager alayhi salatu wassalam est basée sur trois fondements principaux, à savoir le monothéisme et les preuves de ce monothéisme qui sont dans le Coran et dans l'authentique de la Sunna. Le deuxième fondement, c'est que pour confirmer qu'il y a résurrection et les preuves comme quoi il y a la résurrection. Aussi, le troisième fondement, c'est confirmer les messages et les preuves des messages. Comme quoi, les messagers sont venus min Allah Azza wa Jal, et ça, c'est la voie des prophètes alayhi salatu wa sallam, dont Dawa, il est basé sur ces trois points essentiels, hein, le monothéisme, montrer le monothéisme avec ses preuves, et aussi confirmer qu'il y a résurrection. Donc, s'il y a résurrection, il y a compte. S'il y a compte, il y a châtiment, il y a récompense. Et aussi, le troisième fondement, c'est confirmer les messages des prophètes alayhi salatu wa sallam, et tout ceci avec les preuves. وفي الباب السادس بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الشيخ النجمي رحمه الله تعالى أن الانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم. كنت septième chapitre, الشيخ رحمه الله تعالى nous a montré comme quoi le fait de dévier de la voie du prophète عليه الصلاة والسلام, ceci c'est sortir et délaisser la voie droite que Allah سبحانه وتعالى aime et agrée. وفي الباب السابع بين لنا رحمه الله تعالى أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء. Et au septième chapitre, Cheikh Rahmatullah عليه nous a éclairé que la hizbiya, le sectarisme, le fait d'adhérer à des partis, ça ne fait pas partie de la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Aussi, في الباب الثامن بين لنا رحمه الله تعالى مساوي الحزبية. Et au huitième chapitre, Rahimahullah Ta'ala nous a montré hein, le mal et les inconvénients et le désastre qu'il y a dans le fait d'adhérer à des partis. Wa fil bab at-tasi' khassasahu Rahimahullah Ta'ala ala madha khassasahu fi bayan man tuqida ala al-ikhwan al-muslimun. Et le neuvième chapitre, après tous ces fondements, après toutes ces règles et ces éclaircissements sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam, il commence le neuvième chapitre, il l'a réservé à la critique des frères musulmans. Quant au dixième chapitre que nous venons de terminer, il l'a réservé à quoi? Il l'a réservé à la critique du Jama'at Tabligh. Il l'a réservé à la critique du Jama'at Tabligh. Et le onzième chapitre que nous allons attaquer maintenant. فهذا الباب الحادي عشر هو في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك. Donc le 11e chapitre que nous allons attaquer aujourd'hui, il l'a fait hein, pour nous éclairer sur l'obligation de prendre la voie du prophète عليه الصلاة والسلام et la preuve pour tout ça. Quant au الباب الثاني عشر بين فيه رحمه الله تعالى دم البدعة والمبتدعة والمبتدعين. Et le 12e chapitre, il l'a réservé au fait pour nous montrer que l'innovation et les innovateurs sont blâmés. والفصل الأخير والباب الأخير الثالث عشر هو في فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها. Quant au 13e chapitre et le dernier, il l'a réservé pour nous montrer les vertus de la sunna et le fait de se cramponner à la sunna et de la suivre. Cela te montre quoi? Cet enchaînement parfait te montre la clairvoyance des hommes de science. Qu'avant d'y mettre quoi que ce soit comme critique, il te montre d'abord la clarté de la voie, la clarté de la aqida, la clarté de la voie, la clarté de la loi du prophète alayhi salatu wassalam. Après, ils ramènent leur critique, et après, à la fin, ils te redonnent encore les règles. Ils t'éclairent sur la voie sur laquelle tu dois être. Et il te montre aussi les inconvénients des voies et de l'innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, c'est très énorme. Et ceci te prouve que les hommes de science accomplissent le conseil comme il se doit à la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala hein, récompense comme il se doit Cheikh Najmi et les hommes de science, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science de ceux qui sont vivants encore. فمعها الباب الحادي عشر إخوة الإسلام يقول فيه رحمه الله تعالى الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها. Il dit رحمه الله تعالى le 11e chapitre éclaircissement sur le fait qu'il est obligatoire de prendre la voie de Mohammed alayhi salatu wasalam dans da'wa et dans toute autre chose qui concerne la religion. يقول رحمه الله لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فدعا إلى الله ليل نهار وصبر وصابر حتى نشر الله عز وجل دعوته ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة كسر به الأصنام وأباد به الأوثان وأزال به عبادة المخلوقين وأرسى به دعائم التوحيد وثبت أساس الملة على عبادة الله وحده دون سواه. Il dit dans ce chapitre, rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, alors qu'il n'y avait plus de prophète. Ça fait longtemps que aucun prophète n'est arrivé après Isa alayhi salatu wasalam. Après que les voies sont devenues des ténèbres, après que plus personne ne connaît la voie réelle qui amène vers Allah azza wa jal. Et Muhammad alayhi salatu wasalam a appelé vers Allah azza wa jal nuit et jour. Et il a patienté et il a enduré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a propagé sa religion, a propagé sa da'wa. Et avec cette da'wa de Muhammad alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert des yeux et a nettoyé des oreilles et a enlevé les couvertures qu'il y avait sur certains cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé avec la da'wa de Muhammad alayhi salatu wasalam de l'égarement. Et il a sorti des gens de l'ignorance. Et avec la da'wa de Muhammad alayhi salatu wasalam, avec Muhammad alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala a cassé les statues et les a anéantées. Et il a anéanté l'adoration des créatures. Et il a ancré les piliers du monothéisme. Et il a confirmé et donné la solidité à la voie droite, à l'adoration d'Allah, Azza wa Jal, uniquement. Et il a fait que les gens ont pris le chemin d'adorer Allah, Azza wa Jal, uniquement et de lui réserver le culte. Fa yaqulu al-shaykh رحمه الله تعالى فدانت له ولأصحابه من بعده بذلك العرب وملكوا به العجم ومكن الله لهذا الدين وحملته فكسروا الملوك وابتزوا الممالك حتى وصلوا إلى مشارق الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا وإلى أسوار القسطنطينية شمالا وتحقق بذلك وعد الله عز وجل للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين حيث يقول عز من قائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى a fait que avec cette da'wa de Muhammad alayhi salatu wasalam les gens se sont soumis à Allah azza wa jal et aussi se sont soumis à Muhammad alayhi salatu wasalam dans la soumission à Allah azza wa jal et ils ont suivi ses compagnons de Allah alayhim. Si les Arabes les ont suivis, ils ont eu même la main sur les non-Arabes, sur le royaume à côté. Ils ont conquis aussi le royaume à côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force à cette religion et à ceux qui portent cette religion et a cassé et a anéanti les royaumes, les royaumes comme la royauté de Qisra, comme la royauté de Héracle, de Perse et de Rome, Et cette religion est arrivée vers l'est, vers la Chine, et vers l'ouest, vers l'océan Atlantique, et au nord, vers les remparts de Constantine. Constantine en Turquie. Et ainsi s'est accomplie la promesse d'Allah Azza wa Jal pour les monothéistes. Il les a fait triompher, il leur a donné le pouvoir sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate An-Nur, il dit, verset 55, Allah a promis à ceux qui ont cru, fait bonne œuvre, qui va les faire succéder les uns derrière les autres. Comme il l'a fait pour ceux avant eux, et il va donner la force à leur religion qu'il leur a agréée, il va leur changer leur crainte en sécurité, la condition, ils m'adorent, sans faire d'associés. Et celui qui me croit après, ceux-là, ce sont les pervers. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فظهر الدين وانتشر الإسلام، وكان بذلك الدين كله لله، فكان من دخل في الإسلام يعلم أن دخوله في الإسلام يعني رفض العبودية لغير الله والاتجاه بها إلى خالق هذا الكون ومبدعه، وهو الله رب العالمين وواهب الحياة وخالق الأحياء ورازقهم والمتصرف فيهم. كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والعام والمتعلم. وتحقق بذلك ما قاله نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Donc, et ainsi, dit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, la religion a pris le dessus. L'islam s'est propagé. Et la religion d'Allah Azza wa Jal s'est propagée. Et ainsi, tous ceux qui sont rentrés dans l'islam, qui se sont convertis, savent que le fait de rentrer dans l'islam, cela signifie refuser d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et refuser d'orienter et n'orienter aucun acte d'adoration après à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur et le souverain de son monde, et qui a créé son monde, et qui est le souverain de tous les mondes, et qui donne la vie, et qui donne la mort, et qui donne la subsistance, et qui les gère. Et ceci, le petit, le grand, l'homme, la femme, le libre, l'esclave, le commun, celui qui a appris, hein, les lettrés et le lettré, tous savent tous ceci. Et ainsi, c'est accompli ce qu'avait dit le prophète alayhi salatu salam. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, il a dit: Shaitan, hein, a été, a désespéré que l'adore ceux qui prient dans la péninsule arabique. Mais il attise la haine entre vous. Shaitan a désespéré du fait que quelqu'un va l'adorer dans la péninsule arabique. Mais il joue sur un autre tableau: attiser la haine entre les croyants. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولقد بقي الناس على ذلك ردحا من الزمن غير قليل، حتى ظهرت بدعة التصوف وبزغت نحلة التشيع والرفض في القرن الإفريقي على أيدي العبيديين الذين ملكوا المغرب في آخر القرن الثالث الهجري، وامتد ملكهم فيما بعد إلى مصر، فأباحت هاتين النحلتين الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم إلى الله. Donc, et Cheikh Najmi de nous dire, et les gens sont restés sur ce monothéisme et sur cette clarté de la religion pendant un laps de temps très long. Jusqu'à ce qu'est apparu l'innovation du soufisme et que est apparu Tashayyu, le chiisme, et Rafd. Et tout ceci a apparu au nord de l'Afrique, par l'intermédiaire d'Al Ubaydiyin, Sikhubata Sibatiniyun, et on aura l'occasion de faire un aperçu historique sur l'Ubaydiyun, parce que leur histoire est très importante. Leur histoire te montre, il te donne une clarté sur les innovations, sur l'adoration du tombe qui se fait actuellement. Ces Ubaydiyun ont possédé l'Afrique du Nord, et notamment le Maroc, et ceci à la fin du 3e siècle de l'Hégire. Et leur royaume s'est étendu jusqu'en Égypte. Ils ont été chassés après d'Afrique du Nord et ils sont restés en Égypte. Et ces deux voies qui sont les Soufis et l'Ubaydiyoun, c'est Khubatha, d'Al-Batiniya, ont proposé l'associationnisme, le grand associationnisme, au nom de l'amour des vertueux, au nom de prendre des intermédiaires pour se rapprocher de Allah Azza wa Jal. فشاع الشرك بين المسلمين وفشى شيئا فشيئا حتى أصبح كثير من المسلمين بل غالبهم يظنون أن التعبد للأضرحة والقبور والهتاف عند الشدائد بأسماء أصحابها والتطوف بها والتقبيل لأعتابها والسجود على ترابها، يحسبون أن ذلك هو الدين الذي جاء به نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. Et donc, cher de nous dire, et ainsi depuis l'apparition de ces Ubaydiyoun qui ont déglingué la communauté de l'intérieur, l'associationnisme s'est propagé entre les musulmans. Et il s'est propagé petit à petit jusqu'à ce qu'il est devenu chez les musulmans, mais sinon si une grande partie des musulmans croient que le fait d'adorer les tombes, d'adorer les sanctuaires et d'appeler ceux qui sont dans les tombes au moment où ils sont dans des difficultés, de les appeler avec leur nom et de tourner autour des tombes et d'embrasser les entrées des tombes et de s'essuyer sur les murs de là où sont enterrés ces vertueux ou ces walis comme ils disent, ils croient que ça c'est la religion qu'a ramené Mohammed alayhi et que ça c'est la guidée du messager de la clémence alayhi. ذلك لأن هذا أمر نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وعاشوا عليه قرونا طويلة لا ينكر إلا على من أنكره، فرسخ في أذهان الناشئة أن الآباء والأجداد لا يقرون ما يناقض الدين وهم أهل الدين، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش ويستنكرون الظلم. Et tout ceci est arrivé pourquoi ? Parce que beaucoup ont grandi depuis des siècles, ont grandi sur, depuis l'avènement d'Al Ubaydiyoun, il y a eu des générations après qui ont grandi dans cet associationnisme. Les petits ont grandi dedans et les grands ont vieilli dans cet associationnisme. Ils ont vécu, et la communauté a vécu beaucoup de siècles. Et personne ne blâme. Au contraire, on blâme celui qui blâme l'associationnisme. Et ça a été ancré dans l'esprit des gens, que ce soit les parents et leurs aïeuls et ceux qui sont passés avant nous, avant eux, que les parents et les aïeuls et ceux qui sont passés avant nous ne peuvent pas faire quelque chose qui est en contradiction avec la religion. Ils ne peuvent pas approuver des actes qui ne sont pas dans la religion. Alors qu'ils font la prière, qu'ils jeûnent et qu'ils s'acquittent de la zakat, qu'ils font leur pèlerinage et qu'ils interdisent le blâmable et qu'ils interdisent l'injustice. وزعموا يقول الشيخ رحمه الله وزعموا أن الآيات وزعموا أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم الشرك والمشركين خاصة بمن عبد الأصنام المنحوتة وسجد لها وزين لهم ذلك كهنة الصوفية وسندنة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع الناس لسلطانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، تساق إليهم الأموال نذورا وقرابين ويسجد الناس على أيديهم وأرجلهم، فأخرجوا الناس من الدين باسم الدين. Il cherche de nous éclairer, ceci est un point important. Il dit, rahimahullah ta'ala, ils prétendent que les versets qui sont nombreux dans le Coran, qui blâment l'associationnisme et les associateurs, ne s'adressent qu'à ceux qui ont adoré des statues sculptées et qui se sont prosternés à des statues qui ont été sculptées. Ainsi, le mashayikh du mal, qui sont les têtes d'Al-Sofia et qui sont ceux qui vivent sur les tombes et qui vivent sur les caisses des tombes, et qui veulent que les gens leur obéissent au doigt et à la lettre, et que les gens les prennent comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils leur ramènent l'argent, ils ont induit les gens en erreur comme ça. Tel point que certains parmi eux, même vivants, ils se prosternent devant certains, encore de nos jours, certains mashayikh, il y a des gens qui se prosternent devant eux. Il vient qu'ils baisent leurs pieds. Et cela, au nom de la religion, ils ont sorti les gens de la religion. Frère en Allah, Zawajal, voici une parenthèse qu'on comprenne. Souvent les gens disent que nous on n'adore pas les statues. Que les associateurs ce sont ceux qui adorent les statues. Mais ces statues-là, frère en Allah, Zawajal, il faut savoir qu'ils représentent des vertueux. Le cas dans Surat Nuh, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de Wud, wa Suwa, ويغوت ونسر ces 5 hommes vertueux, quand ils sont morts, Satan est venu voir les enfants de ceux qui étaient les contemporains de ces vertueux, qui sont Wud, Suwa, etc. Il leur a dit, vos parents, vous voyez cette place-là, ça, cette place-là, ça, c'est ces hommes vertueux, et Hada. Il faut marquer cette place par leurs images. Comme ça, vous les oubliez pas. Vous vous rappelez de ces gens vertueux. Ils l'ont fait, mais ils les ont pas adorés à ce moment-là. Quand cette génération qui avait la science et qui savait que cela était des hommes vertueux est partie, Shaitan, il est venu voir l'autre génération. Il leur a dit, vous savez, ces images que vous voyez, qui sont les images de ces hommes vertueux, vos parents, quand ils avaient besoin de pluie, ils venaient les voir. Ils venaient les voir, ils leur demandaient. Quand ils voulaient des enfants, ils venaient les voir, ils leur demandaient, et ainsi de suite. D'où que c'est faux qu'ils disent que l'associationnisme, c'est ceux qui adorent les statues. Les statues, c'est la représentation de quoi? C'est la représentation de ce qu'ils appellent les saints, de ce qu'ils appellent les vertueux. Hein? C'est la représentation de morts et de personnes, comme Lat aussi. Lat, qui était une divinité chez les Arabes, c'était un homme qui malaxait les dattes avec le pain et avec de l'eau, et le servit à qui? Aux pèlerins. Ça vient du mot lefta, c'est-à-dire malaxé. Et quand elle est morte, ils lui ont fait une statue, ils l'ont adoré. En réalité, ils adorent pas la statue, ils adorent la personne directement. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وكانوا بذلك مدعين كذبا وزورا لحق الله رب العالمين يدخلون في جنتي ورحمتي حسب زعمهم من شاءوا ويمنعون من ذلك من أرادوا حتى راج ذلك على من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله وهذا هو السر في ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما أثر ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إذن أنسي المشايخ والتد du mal et de l'ignorance et de l'égarement prétendent, hein, ce mensonge. Et après, ils ont prétendu un droit d'Allah Azza wa Jal pour eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui font rentrer les gens au paradis. Et qu'ils le couvrent de, hein, et qu'ils rentrent les gens sous la clémence d'Allah Azza wa Jal. Ils prétendent. Ils disent, ils interdisent à qui ils veulent de le fait de rentrer au paradis. Et ceci s'est propagé entre les gens. Même certains qui actuellement sont dans le champ de la da'wah croient ceci et propagent encore ceci. Et ceci, c'est le secret de la faiblesse de la communauté de Mohammed alayhi sallam. Et ceci, c'est ce qui fait que les ennemis d'Allah azza wa jal ont pris le dessus sur cette communauté. Et que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde, Imam Malik rahmatullah alayhi, qui a dit, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Qu'est-ce qui a fait le bien du début de cette communauté? Sinon, le monothéisme, le culte réservé exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et tu entends parmi, hein, certains, pas par exemple chez les Yassinites. Yassine, hein, sa mère, certains disent, ils l'ont dit devant leur cheikh, que la mère du Yassine leur a dit alors qu'il est dans sa tombe, il leur a dit que celui qui voit Yassine rentrera au paradis et celui qui entend Yassine rentrera au paradis. Vas-y, tu gobes ça, hein? Tu vois, t'as vu Yassine? Tu rentres au paradis. Tu as entendu parler d'Yassine? Tu rentreras au paradis. Abdeslam Yassine Hada, le fondateur de l'Adl wa l'Ihsan, là où il y a ni Adl ni Ihsan, plutôt l'Yassinite. Hein? Aussi, j'ai vu de mes propres yeux, l'un des chers d'Yann Naqshbandiya, quand il est venu à Lille, il a fait l'allégeance aux jeunes qui lui ont fait l'allégeance, il leur a dit par ce lien sacré qui est notre allégeance, le jour de la résurrection, comme moi je vais rentrer au paradis, je vous prends par ce lien et tous vous allez rentrer au paradis. Comme si le paradis leur appartient, ikhwat al-islam. Et Hadi, il s'appelle Rajab Dib. Rajab Loulou. Il porte bien son nom. Hein? Voyez un petit peu. Et Hada, il n'y a pas longtemps, c'est l'an 2000, où la cassette que j'ai vue a été faite dans un grand appartement dans la région de Lille. ou Naqshbandiya et monnaie courante. Faut pas croire que ceci n'existe pas, qu'il n'y a pas des gens qui croient que leurs mashayikhs ont la clé du paradis. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى ووالله لن يعود للمسلمين نصرهم وعزهم إلا إذا عادوا إلى المنبع الصافي والمورد العذب والسلسبيل الفياض كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم ثم السنة والآثار وطريق السلف الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الهدى في غابر الأزمنة وحاضرها من جميع الأقطار وهذا هو ما أمر الله عز وجل به حيث يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الشيخ نجم دنودير رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ها par Allah le triomphe et l'honneur de cette communauté des musulmans ne leur reviendra pas que si il revient à la voie claire et à la source claire qui est le livre d'Allah, qui est l'once solide qu'il est lié avec Allah Azza wa Jal, et qui est la voie droite, et à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, et à la voie des puzzers d'Allah alim, qui sont les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam, et ceux qui les suivent sur la même voie, depuis l'aube de l'islam, jusqu'à nos jours, dans tous les lieux, et dans tous les pays. Et ça, c'est l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. On veut la gloire, on veut la suprématie, on veut arriver à l'honneur, il faut revenir vers Allah, revenir vers le livre d'Allah, Azza wa Jal, vers l'authentique de la sunna du prophète, alayhi sallam, avec la compréhension de ne plus être d'Allah alim, et selon la voie et la compréhension de ne plus être d'Allah alim, qui sont les compagnons de Muhammad, alayhi sallam, et ceux qui les suivent à la perfection, depuis l'aube de l'islam jusqu'à nos jours, en tout lieu et en tout temps. C'est la condition sine qua pour arriver à notre bonheur et à notre suprématie et à notre honneur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ainsi. Écoutez les versets que nous cite Shir. Il dit, ce que le prophète, ce que le messager vous a donné, prenez ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous et préservez les droits d'Allah azza wa jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment est douloureux. Il est dit dans l'autre verset, chaque fois que nous avons un messager, nous avons envoyer le messager pour qu'il s'adore avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'un messager qui a été envoyé, il faut qu'on obéisse à son messager. Qu'on obéisse à son messager. Il est obligatoire pour nous d'obéir au messager. On n'adore pas le messager, on obéit au messager. Et il est dit aussi dans l'autre verset, dites, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Hein? Si vous aimez Allah, prouvez-le. Prouvez-le comment? Avec le suivi de Muhammad alayhi salatu wasalam. Tu prétends aimer Allah, azza wa jal, tu ne suis pas son messager alayhi salatu wasalam. Ceci est un mensonge. Ceci, c'est une prétention. Il n'a aucun fondement. Puisque, pour le prouver, il faut que tu sois dans la sunna de Muhammad alayhi salatu wasalam. Et il est dit, dans l'autre verset, ou vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous appelle pour ce qui va faire votre vie. Ils sont vivants, ils sont croyants. Mais pour avoir la réelle vie, la bonne vie, dans ce bas monde, avant l'au-delà, il faut qu'ils mettent en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ordres de Muhammad alayhi salatu wasalam pour qu'ils aient la bonne vie et la vie pleine de quiétude. Cette vie pleine de quiétude, pleine d'honneur, pleine de gloire, pleine de bonté, il est dans le fait d'être soumis à Allah et de suivre son messager alayhi salatu wasalam. Et le verset, il dit, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre la personne et son cœur. Et que c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez revenir et préserver. Et faites attention à une fitna qui va pas toucher tout simplement ceux qui étaient injustes parmi vous en particulier. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment est douloureux. Il est dit dans l'autre verset, il n'appartient pas à un croyant, ni à une croyante, quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrété quelque chose, et que quand Allah et son messager ont décrété quelque chose, qu'ils aient le choix dans leur situation. Et il est dit dans l'autre verset, obéissez à Allah, obéissez au messager, et si vous vous détournez, notre prophète, son devoir, c'est tout simplement de transmettre clairement. Et notre prophète, alayhi salam, nous attestons tous qu'il a transmis. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour être parmi ceux qui acceptent les sentences d'Allah Azzawajal? C'est d'obéir à Allah Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, alayhi salam, a décrété qu'il faut obéir au messager. On lui obéit. On le suit dans la forme d'Yel Dawa. On prend le chemin que nous a instauré Mohammed, alayhi salam. On n'innove pas d'autres chemins qui ne sont pas selon la voie de Mohammed, alayhi salam. Et dans tous les domaines, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous ont appelés à lâcher nos barbes. Et pourquoi se les raser? Pourquoi les donner gratuitement à la Wilkinson ou à la Gillette G2? Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que nos femmes soient avec le hijab. Pourquoi ils s'exhibent? Pourquoi on les laisse s'exhiber? Il faut les orienter vers le hijab. Hein? Et quand tu regardes, frère en Allah azza wa jal, en ce qui concerne le hijab et en ce qui concerne la barbe, regarde. Souvent, les gens, ils te disent, c'est barbu, et c'est nouveau, c'est trop religion nouveau. Mais ils savent pas quelle origine des hommes, c'est la barbe. Regardez. Avant la colonisation, l'origine, c'est un homme maghrébin, c'est honteux, et il est traité de femmelette s'il sort sans barbe. Et s'il sort sans quelque chose sur sa tête. Ça, c'est l'origine du maghrébin. Hein? Et en même temps, tu voyais aucun homme, hein, dont le vêtement traîne par terre. Leur vêtement est toujours au mémolet. Et ils avaient des barbes. Des fois même s'ils se la taillaient, mais ils avaient des barbes. Hein, et certains, en ville, comme dans les grandes villes, Fès, et Kerouan, et certaines grandes villes en Algérie, etc., où la sunna était apparente à certaines époques, ils avaient la barbe, comme il se doit. Et aussi les femmes, au Maghreb en entier, ils avaient cette handira qu'ils mettaient sur la tête. Regardez les femmes d'Alger, comment ils sortaient? Ce grand tissu dans lequel ils s'enveloppaient complètement, qui le couvrait de la tête aux pieds. C'était le hijab qui était connu en Algérie. Ce même hijab, il est connu en Tunisie. Ce même hijab a été connu dans le sud marocain, sur le haf qu'ils mettaient sur la tête, que ce soit dans la ville d'Issaouira et ailleurs. Et au nord du Maroc, il y avait cette djellaba avec le capuchon que les femmes mettaient et avec le voile. Donc à l'origine, la barbe, c'est l'origine chez l'homme musulman en général et maghrébin en particulier, puisque la majorité de ceux qui assistent au cours, je sais qu'ils sont maghrébins. Donc je le rappelle, l'origine c'est quoi? L'origine c'est la barbe, c'est les hommes. Et l'origine c'est quoi? C'est nos mères, nos grand-mères. C'est le hijab, de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui a fait que nous avons changé? C'est la colonisation. Le colonisateur, quand il est sorti, il nous a donné la liberté en forme, mais en réalité, il a laissé de la gangrène derrière. Il a laissé la gilette G2, et Ménora, et Palmolive, etc., pour que les hommes jettent, et ressemblent à des femmes, et jeter leur barbe dans les lavabos. Et aussi, il a laissé derrière lui le libertinage. Il est dit du libertinage pour que les femmes se sentent soi-disant libres de ne plus mettre la handira et le milhaf. Il faut pas que tu entendes certaines personnes. Des fois, ils savent pas ce qui sort de leur bouche. D'où vous ramenez tout ceci? D'où vous ramenez le hijab? Pourtant, le hijab, c'est clair, les versets sont clairs. La barbe, il y a plus de 20 hadiths en ce qui concerne la barbe. Et ça fait partie de la fitra pour les hommes. Et Allah, il a bien décrété, et obéissez à Allah, et obéissez à son messager. Et le messager a ordonné le hijab, et a ordonné aussi la barbe. Fayaqul al-Sheikh rahimahullah ta'ala, hadihi ba'd al-ayat. Et si tu veux une preuve sur ce que je te dis, tu vas dans les centres maintenant de que tu as ici, Beaubourg ou n'importe, et tu prends certains films, certains documentaires sur le Maghreb, hein, des années 60, des années 50, etc. Et regarde ce que tu vas voir. Tout le Maghreb, tu verras pas une femme sans son voile et sans sa handira. Et tu verras pas des hommes sans, rares ceux qui sont en veste et en hadas, ce sont ceux qui ont été éduqués dans les écoles françaises, etc. Ils sont peu nombreux par rapport à la masse du musulman qu'il y a au Maghreb à cette époque-là. Regarde, va voir dans certains musées. Hein? Et tu vas voir les expositions, quand ils font des expositions du Maghreb d'avant le protectorat et d'avant la colonisation et pendant la colonisation, tu vas voir aucun homme sur les expositions qu'ils mettent au niveau des photos, etc., ni son barbe. Ils sont tous avec leur barbe et leurs vêtements n'arrivent pas jusqu'à la cheville. Ah, c'est l'origine. فيقول الشيخ النجمي رحمه الله تعالى هذه بعض الآيات الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي شاملة للمنهج الدعوي وغيره مما يتعلق بالدين. الشيخ النجمي رحمه الله تعالى de nous dire ça, ce sont des versets, les versets qu'il a cités, ce sont des versets qui sont clairs. Il nous ordonne à obéir au messager alayhi salatu wassalam. Et ces ordres englobent et la voie d'Yel Dawa et toutes les voies de la religion. Nous devons obéir au messager de le suivre dans tous les domaines de la religion. أما الأحاديث الواردة في ذلك أيضا فإليك بعضها فمنها ما رواه العرباد بن ساري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والحديث أخرجه الإمام أبو داود وكذلك الترمذي وغيره وإسناده صحيح وأخرجه كذلك الإمام أحمد وابن ماجة رحمهم الله تعالى جميعا. Et Cheikh II nous ramenait d'autres hadiths qui prouvent qu'il est obligatoire de suivre Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il dit, rahimahullah ta'ala, quant aux hadiths qui nous montrent qu'il est obligatoire de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, voici certains. Ce qui a été rapporté par l'Irbad ibn Sari radiallahu anhu Allah, il a dit qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam a prié, et après, il s'est tourné vers eux, et il leur a fait une exhorte forte. Et cette exhorte était tellement forte que leurs yeux ont pleuré. Les yeux ont versé leurs larmes. Et les cœurs ont frémi de peur. Et un homme a dit, c'est peut-être l'exhorte de quelqu'un qui fait ses adieux à Rasulallah. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Regarde cette demande des compagnons de Mohammed alayhi salam. Et regarde cette minutie dans leur observation. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait que leur chemin, c'est le chemin à suivre. Parce que ils étaient minutieux, donc ils observaient très bien les actes du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne lâchaient pas quelque chose du prophète alayhi salatu wassalam. Le moindre détail. Et regardez là, ils ont capté. Il y a un d'eux, il a dit, ya Rasulallah, peut-être que c'est ça, c'est une exhorte de quelqu'un qui fait ses adieux. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce que tu nous ordonnes? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous conseille le fait de préserver les droits d'Allah. Et d'écouter et de bouillir, même si c'est un esclave éthiopien qui vous gouverne. Car celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna, et à la sunna du Khalif bien guidée. Mordez dessus avec vos molaires, et faites attention à toute nouveauté. Car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est vouée au feu de l'enfer. Innovation est un égarement. Dans une autre version, il y a aussi « il voué au feu de l'enfer ». Ce qui est voué au feu de l'enfer, c'est celui qui accomplit l'innovation. Regardez ce hadith. c'est, il y a des conseils énormes. Et ce hadith prouve la véracité de Mohammed alayhi salatu salam, parce que les choses sont arrivées comme il les a dit alayhi salatu salam. Il dit, vous allez, celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Et les divergences, les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam ont vu l'apparition d'Yel Khawarij, ont vu l'apparition d'Yel Qadariya, ont vu l'apparition d'Yel Shia. Et nous, on est encore en train de vivre chaque année, chaque mois, hein, des divergences qui arrivent. L'Ahbaj d'un côté, ceci de là, l'Yassinite par là, et ainsi de suite, ça n'arrête pas. Hein? Et ça n'arrête pas, des déluges de divergences avec la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et comme si quelqu'un a posé la question, comment, c'est quoi l'issue de tout ça? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répondu, comprenez-vous à ma sunna, et la sunna du khalif bien guidé. Et là, c'est une seule sunna. La sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, la sunna d'Abu Bakr et de Omar, c'est l'identique à la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et il est dit, cramponnez à vous à la sunna des khalifs bien guidés. Les hommes de science disent, à la tête des khalifs bien guidés, il y a les quatre khalifs, à savoir Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali radiallahu anhum, mais tous les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam sont des khalifs de Mohammed alayhi salatu wasalam dans la transmission de la religion de Allah Azza wa Jal. Ils ont transmis ce qu'ils ont appris de Mohammed alayhi salatu wasalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et donc, pour ne pas être égaré, il faut que nous soyons sur la voie des compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. Hein? Et que on fasse très attention à toute forme d'innovation. Et l'innovation dans ce qui concerne la religion. Dans le mondain, ce n'est pas un problème, le mondain. Le mondain, si une chose est halal, on la prend. Si certains te disent, ouais, ouais, mais vous parlez d'innovation. Mais pourquoi vous prenez l'avion? Pourquoi vous montez dans les voitures? Pourquoi vous utilisez les montres? Ça, c'est parce que ces personnes-là sont insensées. Ils n'ont pas compris de quelle innovation il s'agit ici. Il s'agit ici de l'innovation dans la religion, du fait d'innover des actes d'adoration dans la religion d'Allah, Azza wa Jal. Ils n'ont pas les choses de ce bas monde. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a comblé l'être humain, il lui a donné un cerveau, il l'a orienté vers une science, et cette science lui permet de faire des découvertes et de créer des choses. Ce n'est pas un problème de les utiliser du moment qu'il y a un bien dedans, que ce n'est pas haram. Où est le problème? Mais adou, juste parce qu'ils ramènent des ambiguïtés, parce qu'ils ne savent pas comment répliquer à la sunna, comment répliquer à la parole du prophète alayhi salam, et à la voix du plus éul, donc ils vont chercher des ambiguïtés là où il n'y en a pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des ambiguïtés et des gens de l'ambiguïté. Il faut faire très attention, frère, en Allah azza wa jal. Vos cœurs, hein, il faut que vous fassiez des cœurs des miroirs, comme il a dit Ibn al-Qayyim. Ils n'ont pas des éponges. Dès qu'ils entendent quelque chose, ils l'absorbent. Comme l'éponge. L'éponge, tu la mets sur l'eau, il absorbe. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvaise, n'importe quoi, il l'absorbe. Mais il faut que nos cœurs, frère en Allah, Azza wa Jal, soient comme une glace. Tout ce qui vient comme ambiguïté se reflète dedans et se rejette. Ce qui est bon, on retient. Ce qui est mauvais, on jette. Et qu'on fasse très attention, qu'on ne donne pas nos oreilles et nos cœurs à n'importe qui, et à écouter n'importe quoi. Et qu'il faut faire très attention à tous ces salons de l'égarement, soit l'Ahbash, Tablir, ou l'Ikhwan Muflisoun, tout ça, ils ne cherchent qu'à égarer les gens. Regardez ce qu'ils disent sur les noms et les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les guide. N'importe quoi ils disent sur les noms. Ils ne reconnaissent pas le visage d'Allah, Azza wa Jal. Ils ne reconnaissent pas. Et qu'est-ce que vous reconnaissez alors? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran qu'il a un visage. Hein? Il faut reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs, comme il sied à sa grandeur. Il a un visage qui ne ressemble pas à ses créatures. Il a, hein, des mains qui ne ressemblent pas à ses créatures, mais qui sied à la grandeur d'Allah azza wa jal. Et ainsi de suite pour tous les noms et les attributs d'Allah azza wa jal. Et non pas non plus certains, ils te disent, Allah est avec nous partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout, mais il est avec nous avec sa science. Il sait ce que nous faisons, il est au-dessus de son trône. Et il sait, et il entend, il voit ce que nous faisons. Et il est avec les croyants, il accompagne les croyants d'un accompagnement particulier, en étant au-dessus des cieux, et au-dessus du trône, il les aide, il les fait triompher, il les protège. Hada, mais de ramener Allah est avec nous, qu'est-ce que vous racontez? Et que reconnaître le visage d'Allah, Azza wa Jal, c'est lui faire un corps. Vous savez rien. Vous comprenez rien. Pourquoi les prophètes, pourquoi les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam n'ont pas agi ainsi? Pourquoi vous ramenez ces idées maintenant? Vous prouvez l'idée d'Yel Asha'ira, d'Yel autre, et vous les ramenez. Soit vous mettez de côté les noms de Allah, Azzawajal, les attributs, soit vous leur donnez un sens qui n'est pas. Pourquoi vous prenez ce chemin-là? Est-ce que un des compagnons a agi ainsi? Montrez-nous un des compagnons qui a agi ainsi. Regardez, même la petite bidouine, derrière les murailles, derrière la montagne de Houd, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qui je suis? Il lui a dit, tu es le prophète d'Allah. Il lui a dit, où il est Allah? Il lui a dit, au-dessus des cieux. Hada, c'est une gamine, une petite bergère. Et vous, avec vos bacs plus 6 et vos intellects, etc., vous ne reconnaissez pas les attributs d'Allah, Azzawajal. Vous les dépouillez de leur sens. À qui vous avez donné vos raisons? À qui vous avez donné vos raisons? Soit disant que vous vous sauvez du fait de donner, hein, des attributs à Allah, Azzawajal, et du fait de le ressembler à ses créatures. Qui vous a dit de le ressembler à ses créatures? Là, il y a l'islam. Mais tu reconnais les noms et les attributs d'Allah, Azzawajal, comme il s'y est à sa grandeur. Et Allah, il t'a donné la règle. Prends la règle d'Allah, Azzawajal. Laissez comme il t'y est, ou Samiul Basir. Rien ne lui ressemble. Et il est celui qui entend, qui voit. Il s'est donné des attributs. Lui, il a vu. Pourquoi on va chercher midi à 14h et dépouiller les sens et faire et perturber l'esprit? Et se perturber l'esprit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et je vous le dis encore, et frère en Allah azza wa jal, il faut, comme vous le conseillez souvent, Sir Chalabi hafidhahullah ta'ala, éviter ces salons d'Yel Ahbash, éviter ces salons d'Yel Asha'ira, éviter ces sites d'Yel Aslama, des sophies qui baignent dans le sophisme. Évitez tous ces sites-là. Vous faites perdre votre temps. Certains, ils veulent débattre avec des gens qui sont, ils ont un bagage dans les garments et à l'islam. Va pas chercher. C'est toi qui vas te perdre. Combien de frères? Ils étaient tranquilles dans leur manhaj, et après, ils ont appris 2 lignes ou 3 lignes, ils veulent débattre avec des gens qui ont un bagage dans l'égarement. Et ils les ont amenés dans leur égarement. Et ils sont devenus leur lieutenant maintenant. Hein? Réfléchissons, frère en Allah, Azza wa Jal. Réfléchissons. Il faut pas tomber dans la gueule du loup et se jeter dans la gueule du loup. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous confirme sur la voie de son messager alayhi salatu wasalam et de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وروى مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من بلاغات مالك رحمه الله تعالى وفيه نظر إلا أنه يشهد له حديث ابن عباس عند الحاكم. حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني حدثنا جدي حدثنا ابن أبي أويس حدثني أبي عن ثور ابن زيد ديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال قد يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إن كل مسلم أخو المسلم المسلمون إخوة ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الحاكم قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وسائر الرواة متفق عليه ووافقه الذهبي في احتجاج البخاري بعكرمة ومسلم بأبي أويس وقال وله أصل في الصحيح. ثم قال الحاكم وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة ثم ساقه بسنده إلى عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وسكت عليه الحاكم والذهبي ولا يعتبر شاهدا إلا هو صحيح أو مقارب. لكن قال الذهبي صالح بن موسى الطلحواهي Voici maintenant un autre hadith que nous ramène l'imam Malik rahmatullah alayh. Ce hadith, il fait partie de ce que les hommes de science appellent balagat l'imam Malik. Balagat l'imam Malik, c'est quand l'imam Malik, il dit directement que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il passe ni par le compagnon, ni par personne. Il directement Malik, il dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça, c'est ce que les hommes de science disent, ce qu'ils appellent balagat l'imam Malik. Ça vient du mot ballara qui veut dire transmettre. Donc il dit, Rasulullah, l'imam Malik, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'a pas été devant le prophète alayhi wa sallam. L'imam Malik dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai laissé en vous deux choses. Vous n'allez pas vous égarer si vous vous cramponnez à ces deux choses. Le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi wa sallam. Ce hadith qui fait partie de l'balara de l'imam Malik, il y a quelque chose dedans, mais il a un témoignage, il y a un autre hadith qui témoigne de la véracité et de la validité de cette parole de l'imam Malik. De ce hadith qui fait partie de balagat l'imam Malik. Notamment, le hadith d'Ibn Abbas est un témoin pour ce hadith de l'imam Malik. Le hadith d'Ibn Abbas chez le Hakim, il dit, il nous a été, le Hakim de dire, حدثنا إسماعيل إسماعيل نزادي بن محمد بن الفضل الشعراني que il leur a dit que son grand-père leur a dit que ibn Abi Uwais leur a dit et ainsi de suite que de Taur de ibn Zayd de Ikrima de ibn Abbas رضي الله عنهم. Ça c'est la chaîne de transmission que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait la khutba le jour de pendant le une, il leur a fait une khutba pendant le pèlerinage de Dieu. Et il leur a dit que Shaitan désespère qu'il soit adoré sur votre terre. Mais il agrée qu'on lui obéisse, c'est-à-dire Shaitan agrée qu'on lui obéisse dans autre chose. Dans des choses auxquelles vous ne donnez pas d'importance. Faites très attention. Il leur a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, faites très attention aux gens. J'ai laissé en vous deux choses. Si vous vous cramponnez à ces deux choses, vous n'allez pas vous égarer. Jamais. Jamais vous allez vous égarer. Le livre d'Allah et la sunna du prophète. Ici, c'est la phrase qui témoigne pour la véracité de, et de la, de, comme quoi la parole de l'imam Malik, qu'il remonte au prophète, est valable. C'est ici son témoignage. J'ai laissé en vous deux choses. Si vous vous cramponnez à ces deux choses, vous n'allez jamais vous égarer. Le livre d'Allah et la sunna du prophète. Et le hadith de continuer de dire, le musulman est le frère du musulman. Et les musulmans sont des frères. Et il n'est pas permis de voler la fortune de son frère. Et ce que te donne, et il faut prendre juste ce que ton frère te donne de bon cœur. Et ne commettez pas d'injustice entre vous. Et ne commettez pas d'injustice. Et ne redevenez pas des mécréants après moi et que les uns se couplent les têtes des autres. Le Hakim a dit que l'imam Bukhari, après qu'on valide et qu'on prouve les hadiths de Ikrima, et que l'imam Muslim, après qu'on prouve les hadiths d'Abi Uwais, et que tous les hommes de la chaîne de transmission qui viennent de citer, ce sont des gens de confiance. Et est d'accord avec lui sur ceci, comme quoi les gens de cette chaîne de transmission d'Al-Hakim sont des gens de confiance. Et d'accord avec lui aussi, l'imam Dahabi. L'imam Dahabi est d'accord dans le fait que le Bukhari a pris comme valide le témoignage de Ikrima. Et le hadith de Ikrima. Et que Muslim aussi a pris Uwais. Comme il l'a pris comme preuve. Et il a pris ses hadiths comme preuve. Et il a dit, rahimahullah ta'ala, que ce hadith, il a une origine dans l'authentique. Il Hakim a dit, j'ai trouvé aussi un témoignage pour ce hadith, dans le hadith d'Abu Huraira. Et il a transmis le hadith avec une chaîne de transmission d'Abdelaziz ibn Rafi' ibn Abi Salih, an Abi Salih, de Abi Hurayra radiallahu anhu, qui a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai laissé en vous deux choses. Vous n'allez pas vous égarer après ces deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Ils ne vont pas se séparer jusqu'à ce qu'ils a, jusqu'au jour où je donnerai à boire sur mon bassin. Il Hakim situe sur ce hadith. Et Dahabi aussi. Et jamais un hadith, dit Cheikh Najmi Hafidallah, ne va être considéré comme témoin pour, hein, sauf s'il est authentique ou s'il est proche de l'authentique, s'il est Hassan. Mais Dahabi a dit d'un nom dans cette chaîne que Abi Moussa Had al-Talhi, il est wa, il est rien. En tous les cas, le hadith d'Yal, le balarat d'Yal Imam Malik trouve sa validité dans l'ensemble des hadiths qu'il y a. Et que cette parole de l'imam Malik, j'ai laissé en vous deux choses. Si vous vous cramponnez à ces deux choses, vous n'allez pas vous égarer. Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam, c'est une parole avenante du prophète alayhi salam. Yaqulu Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala, qultu kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam huma al-aslani alladhani yu'khadhu الدين عنهما باتفاق جميع المسلمين ومن خرج عن هذا الإجماع فهو ضال ومن استثنى الآحاد فهو مفتون ومبتدع مخالف لما عليه سلف الأمة وعلماؤها وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. الشيخ نجمي دو ندير رحمه الله تعالى le livre d'Allah et la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام ce sont l'origine de laquelle on prend cette religion à l'unanimité des musulmans, à l'unanimité de tous les musulmans. Et celui qui sort de cette unanimité, de ce consensus, c'est un égaré. Et celui qui met à part le hadith al-ahad, celui qui a été transmis dans la chaîne de transmission, à tous les étapes des chaînes de transmission, par, hein, un transmetteur dans chaque chaîne, deux ou trois, donc en tous les cas, il dépasse pas les 10 personnes. Il est plus bas que les 10 personnes. C'est ce qu'on appelle Ahad al-Ahad. Et beaucoup de groupes, quand on met de côté Ahadith al-Ahad, et cela dit, chers, ceux qui mettent de côté les Ahadith al-Ahad, ce sont des gens qui sont perturbés. Ce sont des innovateurs. Et ce sont des gens qui sont en divergence avec la voie sur laquelle étaient les plus aïeuls et les hommes de science de cette communauté. Et ils doivent se repentir et revenir vers Allah Azza wa Jal. Wa 'an al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala hal 'asa rajulun yablughu al-hadith 'anni wa huwa muttaki'un 'ala arikatihi fa yaqulu baynana wa baynakum kitabullah fama wajadna fihi halalan istahlalna wa ma wajadna fihi haraman harramna wa innama harrama rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama wa innama حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذه رواية الترمذي ورواية أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه رواه الإمام أحمد وأبو داود وسنده صحيح. Donc voici un autre hadith que nous rapporte l'imam que nous rapporte dans son témoignage Cheikh Najmi حفظه الله تعالى. المقدام بن معدي كريب الله سبحانه وتعالى قري a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam va arriver à un moment donné où un homme lui arrive le hadith du prophète alayhi wa sallam, lui il est adossé sur son fauteuil ou sur son canapé et il dit entre nous il y a le livre d'Allah, ce que nous avons trouvé dans halal dans le livre d'Allah azza wa jal, nous avons le faire halal et ce que nous avons trouvé comme haram dans le livre d'Allah azza wa jal, nous avons le prendre comme haram. Et le prophète de dire et certes ce qu'a fait comme illicite et comme haram Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala haram. C'est la même chose. Et la version du Tirmidhi, ça c'est la version d'Yal Tirmidhi. La version d'Abi Daoud dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné le livre et quelque chose avec le livre. et quelque chose qui est comme le livre. C'est quoi cette chose qui est comme le livre? C'est une autre révélation qui est la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il va arriver un temps où un homme va être rassasié, adossé sur son canapé. Il dira, comprenez-vous au Coran. Ce que vous trouvez comme halal dans le Coran, prenez-le comme halal. Ce que vous trouvez comme haram, faites-le haram. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue de dire, il vous est haram, il vous est licite. L'âne domestique et tout animaux qui a des crocs, hein, toute bête sauvage, dans les bêtes sauvages, tout ce qui a des crocs et ce que tu trouves, quelque chose qui a été perdu par quelqu'un, un mu'ahad. Le mu'ahad, c'est le nom musulman qui est rentré avec un pacte dans le pays de l'islam. Et on l'appelle mu'ahad, il a un ahd. Il a un pacte du gouverneur et il est là sous la tutelle du gouverneur. Ou là, il est là sous la tutelle d'un musulman. Ce que tu trouves, quelque chose qui appartient à un mu'ahad, tu ne peux pas faire ce que tu veux de cette chose, sauf si son propriétaire te dit de faire ce que tu veux faire avec. Hein? Donc, tu vois que dans ce hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith aussi prouve la véracité du prophète alayhi wa sallam. Parce que cette secte qu'on appelle le Coran Yun, il a apparu il y a à peine un siècle là-bas en Inde. Et maintenant, hein, il se propage. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu certaines personnes qui sont atteintes de cet esprit-là. Vraiment, là, il n'y a pas longtemps, au début du mois de Ramadan, j'en ai rencontré un dans la ville de Fréjus. Et cette personne, on parle de l'arabe, de l'obligation de l'arabe, il dit non, il n'y a pas dans le Coran. On lui ramène les hadiths, mais il dit, tu as encore, tu me ramènes que la sunna. Il parle de plein de choses, il me dit encore, et chaque fois que je lui ramène le Coran, je lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma atakum ar-rasul fakhudhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que ar-rasul vous a donné, prenez. Vous voyez que cette secte, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, il existe même à ce milieu. Il y a 10 ans en arrière, il y avait une personne, un kabyle sur les places du marché à Roubaix qui avait la même idée. Ce qu'il y a dans le Coran, on met. Ce qu'il n'y a pas dans le Coran, on met pas en application. Wallahi hadou, je sais pas où est-ce qu'ils ont leur raison. Comment ils vont prier? Où est-ce qu'ils trouvent d'orkat pour le Fajr, 4 pour le Isha et 3 pour le Mourb, 2 à voix haute et 1 à voix basse, 2 à voix haute pour Salat l'Isha et 2 à voix... Je sais pas, où est-ce qu'ils vont le chercher, hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Il va arriver un temps où des gens sont adossés. Ils sont rassasiés. Ils sont adossés sur leur canapé. Et ils vont te dire, ce qu'il y a dans le Coran, on le prend. Et ce qu'il n'y a pas dans le Coran, on le prend pas. Le halal, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Et le haram, c'est ce qu'il y a dans le Coran. En dehors de ça, il n'y a rien. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعرفن الرجل منكم يأتيه لا أعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر مني إما مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله وليس هذا فيه وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله سبحانه وتعالى أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة في باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم donc et Abi Rafi' عند ندير aussi ما بدي الرسول صلى الله عليه وسلم a dit je ne connais pas l'homme qui lui vient lors de mon ordre quelque chose que j'ai ordonné de faire ou quelque chose que j'ai interdit. Et il est adossé sur son canapé, il dit, on sait pas, je ne sais pas. Nous avons le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et cette chose, elle est pas dans le livre d'Allah. Il dit, le prophète d'Allah, azzawajal, n'a pas à dire quoi que ce soit. Le prophète d'Allah, azzawajal, n'a pas à dire, hein, ce qui est en divergence avec le livre. Car, il a été guidé par Allah, azzawajal, par le Coran. Et le Coran lui est arrivé min Allah Azza wa Jal. Dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne va pas dire quelque chose qui est en divergence avec le Coran. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a guidé son messager avec le Coran. Il lui a donné le Coran, il lui a donné autre chose avec ce Coran. Quoi? Et des gens aussi ont eu cette ambiguïté-là à l'époque des compagnons de Muhammad alayhi wa sallam. On a eu le cas d'une femme, il est venu voir Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, il lui a dit, toi, tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celle qui s'épile les sourcils. J'ai lu le livre d'Allah Azza wa Jal du début jusqu'à la fin, j'ai pas trouvé. Abdullah ibn Mas'ud lui dit, si tu as lu le livre d'Allah, c'est que tu as trouvé. Il lui a récité, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُوا. Il lui a récité, ce qu'Allah, subhanahu, ce que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, vous ordonne, faites, et ce qu'il vous donne, prenez, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Regardez cette clairvoyance avec laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, comblait les compagnons de Muhammad, alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous de nous cramponner à leur voix. Hein? Et d'avoir la même aqida qu'eux, d'avoir la même compréhension qu'eux, et de s'acquérir leur comportement aussi. À dire de l'eux, c'est de leur ressembler dans tous les domaines à l'islam. Parce que des fois, c'est malheureux. Des fois, les comportements que nous devons avoir, certains ont les ans, qui ne sont pas sur la voie de Mohammed alayhi sallam. Et on donne l'occasion à certains d'ouvrir leur bouche, là où il faut pas. Et de critiquer la voix du puiseur d'Allah alim, vous avez le comportement que vous avez. Alors que c'est nous, hein, les salafis, et ceux qui veulent être, et qui sont sur la voie de leur puiseur d'Allah alim, inshallah, qui doivent avoir le meilleur des comportements, et le plus noble des comportements. Il faut qu'on réfléchisse à ça aussi. Pour ne pas être une barrière contre da'wah. Parce que des fois, on fait mal, là on croit faire bien, et ceci vient de notre comportement tout simplement. Il faut être digne du comportement qu'avait le puiseur d'Allah alayhim. Et ceci est très important. Il faut s'acquérir ce comportement. Et le comportement, comme disent les hommes de science, il y a quelque chose qui est inné en nous. Ça ne nous coûte rien à le mettre en application. Il y a autre chose qu'on acquiert avec quoi? Avec l'entraînement. Il faut qu'on s'entraîne sur un bon comportement. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم كذلك رحم الله أئمة المسلمين أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه de nous dire que الرسول صلى الله عليه وسلم nous a dit mon exemple et l'exemple des choses avec lequel Allah سبحانه وتعالى m'a envoyé c'est comme l'exemple d'un homme qui est un éclaireur de l'armée qui est venu vers son peuple et leur a dit j'ai vu une armée qui arrive vers vous. Je suis l'avertisseur, je suis l'éclaireur. Faites attention, sauvez-vous, préparez-vous. Il y a une partie des gens qui lui ont obéi, qui l'ont cru, qui l'ont obéi. Et ils ont été sauvés. Une autre partie ne l'ont pas cru. Et l'armée est arrivée, il les a fait périr. Il a dit, ça c'est l'exemple de celui qui m'obéit et qui suit ce que j'ai transmis et ce qu'il m'a été donné. Et l'exemple de celui qui m'a désobéi et qui prend comme mensonge la vérité avec laquelle je suis arrivé. Celui qui obéit à Mohammed alayhi sallam va être sauvé. Et celui qui ne lui obéit pas, il a cherché sa perte lui-même. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها رواه الإمام البخاري هذه رواية الإمام البخاري ولمسلم نحوه وقال في آخرها فذلك مثلي ومثلكم أنا أخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها وتقحمون فيها وأخرجه الترمذي بنحوه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوه رواه مسلم. Donc Abu Huraira رضي الله تعالى عنه وارضاه nous rapporter ce hadith rapporté par l'imam Bukhari. On va dire cette image que nous donne le prophète عليه الصلاة والسلام. Les images ils sont à la perfection dans la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Il dit mon exemple et l'exemple des gens c'est comme un homme qui allumait un feu. Et quand ce feu s'est allumé, il y a les papillons. Il est, par exemple, dans un campement dehors, il y a les papillons qui ont commencé à arriver. Et ces papillons tombent, tu entends, pshhh, ils brûlent, msakn. Et toutes les petites bêtes comme ça tombent dans ce feu. Et cet homme a commencé à les chasser, par à faire du vent pour les chasser, etc. Mais c'est elle qui prend le dessus, mais il continue à tourner autour du feu et de la lumière, et ils tombent, ils se font griller. Il a dit la même chose. Mon exemple, c'est la même chose. C'est de vous retenir, de vous retirer du feu, et vous, vous courez vers le feu, et vous vous jetez dedans. Ça, c'est l'expression d'Al-Bukhari. Ça se prouve, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a ordonné, il faut mettre en application. Il faut suivre Muhammad alayhi wa sallam pour être sauvé. Si on sort du suivi de Muhammad alayhi wa sallam, on va vers notre perte. Et Muslim, il a la même chose. Il a dit, dans le hadith de Muslim, il a dit, mon exemple et votre exemple, c'est que moi je vous tire par votre taille du feu. Et vous, hein, vous êtes plus fort que moi, vous allez vers l'avant. Et vous tombez. Hein? Vous prenez de la force et vous vous échappez de moi et vous tombez dedans. Alors que moi, j'essaye de vous tirer vers l'arrière et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam n'y arrive pas et les gens, ils tombent dedans. Ça veut dire que ceux qui mettent en application la sunna du prophète Alayhi Sallam, ben, ils vont être protégés. Ils ont répondu à l'appel de Muhammad Alayhi Sallam. Et quand l'image, quand le prophète les a tirés, ils ont revenu vers l'arrière. Et ceux qui lui désobéissent, ils ont pris leur élan, ils se sont jetés dedans. Donc, ils lui ont désobéi, ils sont allés eux-mêmes à se jeter dans la gueule du loup et aller vers leur perte. Et ceci est rapporté aussi par l'imam Tirmidhi de Jabir ibn Abdillah et autres. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال, inna ahsan al-hadith kitab Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرار الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أخرجه الإمام البخاري. Donc Ibn Mas'ud de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Regardez cette noble parole de Ibn Mas'ud. Il a dit la meilleure des paroles étant le livre d'Allah, la meilleure des guidées étant la guidée de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et le pire des choses ce sont les nouveautés, et ce qui vous a été promis va arriver et vous n'allez pas l'arrêter, vous n'allez pas pouvoir hein, arrêter ce qui vous a été promis. Ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari. هذه يقول الشيخ النجمي هذه أحاديث صحيحة إضافة إلى الآيات التي سبق ذكرها وكلها تفيد وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته واتباع طريقته فخير الهدي هديه وخير السنن سنته صلوات الله وسلامه عليه فمن زعم أنه يأتي بأحسن من سنتي أو يأتي بأفضل من طريقتي في الدعوة إلى الله فإنه قد كذب وافترى وضل ضلالا بعيدا. Et au commentaire de tous ces hadiths et de tous ces versets qu'a cité Cheikh Rahimahullah Ta'ala, à la fin de ce chapitre, il dit, ces hadiths avenants, qu'on rajoute au verset, qu'on a cité auparavant au début, tout ça, tout prouve qu'il est obligatoire de suivre Muhammad alayhi salam, de le prendre comme modèle, comme guide, de se prendre sa voie et de mettre en application sa sunna, car la meilleure des guidées étant la guidée de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et la meilleure des voies étant la voie de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui prétend qu'il a ramené quelque chose de mieux, une voie mieux que Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le da'wah ou autre, celui-là est un menteur, celui-là il émet des mensonges, et celui-là s'est égaré d'un grand égarement. يقول الشيخ أبو مالك الجهني والذي قرره المؤلف هنا أن الدعوة عبادة يجب على المسلم أن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبو مالك الجهني il dit ce qu'a confirmé الشيخ ici, la chose sur laquelle attire الشيخ ici, c'est-à-dire الشيخ النجمي, c'est que la da'wa ila Allah c'est une adoration dans laquelle il faut suivre, le musulman doit suivre Muhammad alayhi salam. Donc de là c'est insensé l'imir d'Al-Jama'at Tabligh de France qui s'est levé dans la mosquée de Bagnoles sur Seine et qui a dit par Allah, par Allah, par Allah, c'est un acte bon, il faut le mettre en application, même s'il n'est pas dans la sunna, même si le prophète il n'est pas dans la sunna. Ça te prouve que ces gens-là suivent leur passion, ils veulent faire de la da'wah comme ils veulent. شيخ أبو مالك ولا يجوز له أبدا أن يبتدع طريقة جديدة وإذا فعل ذلك فإنه مبتدع والأدلة على ذلك ما ساقه المؤلف في هذا الفصل وهي تدل دلالة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا شك فيها أنه يجب على المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره التعبدية والعقائدية والأخلاقية وكذلك الدعوية لن نكون أفضل ولن نأتي بمنهج أفضل من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم Donc il n'est pas permis à qui que ce soit d'innover une voie dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ni de ramener une autre voie dans la da'wah que la voie de Mohammed Alayhi Salam. Et celui qui agit ainsi, c'est un innovateur. Et les preuves qu'a ramené Cheikh Nejmi sont nombreuses et sont claires, les preuves qu'il a citées dans ce chapitre. Et il prouve clairement qu'une clarté dans laquelle il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun doute qu'il est obligatoire aux musulmans de suivre le prophète Alayhi Salam dans toutes ses situations, dans ses croyances, dans ses actes d'adoration, dans son comportement, dans son commerce, dans la da'wah, dans la façon de faire da'wah. Nous n'allons pas être mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Nous n'allons pas amener une voie qui est meilleure que celle de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est impossible qu'un être humain puisse créer et amener une voie qui est mieux que celle de Mohammed alayhi salatu wassalam. فَمَنْ اِخْتَرَعَ مَنْهَجًا أَوْ أَخَذَ طَرِيقًا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أحدث حدثا وابتدع بدعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل بدعة ضلالة فهنا الله عز وجل celui qui innove une voie qui prend un autre chemin qui n'est pas le chemin de Mohammed عليه الصلاة والسلام celui-là il a innové une norme il a amené une énorme nouveauté dans la religion de الله عز وجل il a innové une grande innovation. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute innovation est un égarement. فأوجب الواجبات على المسلمين وعلى هذه الجماعات أن يتمسكوا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم. ومن ذلك المنهج والطريقة في الدعوة إلى الله. فمهما اخترعت الجماعات ومهما سلكت من مناهج فلن يأتوا بمنهج أفضل من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم Donc, il est obligatoire pour les musulmans, il est obligatoire pour tous ces groupes qui existent sur le terrain, ils doivent tous se cramponner à la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est la plus grande des obligations. Ils doivent se cramponner à la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam dans tout ce qu'ils font, dans da'wah et dans tout ce qui concerne cette religion. Malgré ce que peuvent innover ces groupes, et malgré les voies que suivent ces groupes, ben, ils vont pas ramener une voie qui est mieux, et un style qui est mieux que le prophète, alayhi salatu wassalam. وَالْوَاقِعُ أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يَسْتَحْسِنُونَ وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِي مَنْ اِسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّ Et le quotidien, et la réalité de ces groupes, est une grande preuve. Mais ces gens-là, leurs actes, ils font que leurs actes sont bons. Hein? Et d'eux-mêmes, il dit ça c'est un bon acte. Et l'imam Shafi'i a dit, celui qui dit d'un acte, qui innove un acte, il dit que c'est bon, ben il a légiféré. Il a légiféré à l'islam. C'est une situation dangereuse. الذي يأتي بطريقة جديدة ويقول والله هذه طريقة تعجب الناس والشباب والناس يقبلون على الدين من خلالها فهذا شرع طريقة ما كان عليه النبي صلى ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام واستحسن ويصدق عليه قول الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع فهنا الله عز وجل ها celui qui ramène une nouvelle voie qui instaure une nouvelle voie dans le da'wa et il dit ça c'est une voie qui plaît aux gens ça c'est une voie qui plaît aux jeunes, ça, les gens accourent vers la religion par cette voie-là et par cette méthode. Celui-là a légiféré une voie sur laquelle n'était pas Mohammed alayhi salatu wassalam, ni ses nobles compagnons. Donc celui-là, son acte qu'il a innové, il dit, il décrète que son acte est bon. Et celui-là, la parole de l'imam Shafi'i, hein, s'applique sur lui. Celui qui dit d'un acte qu'il est bon, il a légiféré. Celui qui innove un acte et qui dit qu'il est bon, ben il a légiféré. واليوم كل هذه الجماعات الموجودة على طريقة تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالحين إلا السلفيون المتمسكون حقا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الفرقة الناجية المنصورة المتمسكة بالأمر الأول. Aujourd'hui, tous ces groupes qui existent malheureusement, frère en Allah Azza wa Jal, et c'est la réalité, ils sont en divergence dans toute leur situation et dans leur voie avec la voie du prophète alayhi salatu wassalam et avec la voie du puiseur d'Allah, sauf les salafis, sauf ceux qui se comprennent réellement avec à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et à la voie du puiseur d'Allah, qui sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam et ceux qui les suivent à la perfection. Ceux-là, ce sont les groupes sauvés. Ceux-là, c'est le groupe sauvé. Hein, ceux qui se cramponnent à la première situation de l'islam. Fal groupe sauvé, unwanuhu mada? Al-firqatu an-najiya unwanuha mada? Unwanuha qilan wa fi'lan ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Wa ma 'ada dhalika mimma 'alayhi al-firq wal jama'at fa dalalun wadih wa mukhalafatun sarihatun lil kitab was sunnah wa manhaj salaf hadhihi al umma wa hum yakhtalifun fa mustaqlilun wa mustaktir yakhtalifun 'an nuqtati al haqq bu'dan aw qurban wa minhum man huwa ba'idun jiddan min manhaj الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومنهم من بعده متوسط ومنهم فريق قريب من منهج السلف فهم في مواقفهم سبحان الله يشبهون الكواكب بالنسبة للشمس فهكذا هذه الجماعة والأحزاب وكلهم يجمعهم وصف أنهم ليسوا على شيء وليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. Et le groupe sauvé, frère en Allah, Azza wa Jal, son titre c'est quoi? La voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Que ce soit au niveau de la parole ou au niveau des actes. Il faut que, mana alayhi liyawma sahabi, la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons, ce soit une réalité dans nos paroles et dans nos actes et dans notre comportement, frère en Allah, Azza wa Jal. Et en dehors de ça, les groupes qui existent, les partis qui existent, c'est de l'égarement. Et ils sont clairs, leur divergence avec le prophète alayhi salatu wassalam, avec le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, la voix du puiseur, leurs divergences sont claires. Parmi eux, il y a certains qui sont loin, très loin de la voix du puiseur et du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a certains qui sont de la distance et moyenne qui les sépare de la voix du puiseur. Il y a certains qui sont proches de la voie du puiseur d'Allah, mais ils ne sont pas dans la voie du puiseur d'Allah. Leur situation, c'est comme, subhanallah, leur situation ressemble aux astres par rapport au soleil. Il y a certains qui sont proches du soleil, et d'autres qui sont très loin. La même chose de ces groupes, et de ces parties par rapport à la voie du puiseur d'Allah. Mais tous les englobent cette description, qu'ils ne sont sur rien, qu'ils ne sont pas sur une voie qui est agréée min Allah Azza wa Jal. Ils sont sur une voie qui est en divergence avec la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam et avec la voie de nos puiseurs d'Allah alim. Fansallah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum tabat ala manhaj salafi ridwanullahi alayhim wa subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu khayran.